Le géant Goulafre, écrit par François-Marie Luzel. Il y avait une fois une pauvre femme restée veuve avec un fils. Tous les jours, la mère et son fils allaient mendier de porte en porte, dans les fermes et les manoirs, recueillant par ici un morceau de pain d'orge, plus loin une crêpe de sarrasin, ailleurs quelques pommes de terre. Et ils vivaient ainsi de la charité des bonnes âmes. L'enfant s'appelait Alanic, et sa mère Godic ou Marguerite. Quand Alanic eut atteint l'âge de 14 ou 15 ans, comme il était vigoureux et bien portant, et que néanmoins il continuait de mendier avec sa mère, souvent les paysans disaient à celle-ci « Il est grand temps, Marguerite, que ce gaillard-là travaille aussi pour gagner son pain. Vous l'avez nourri assez longtemps à rien faire. À son tour à présent de vous aider aussi. Voyez donc comme il est fort et bien portant. N'as-tu pas honte, fainéant, de rester ainsi à la charge de ta vieille mère ?» Tous les jours c'était de semblables réprimandes, et tous les jours aussi ils rentraient le soir avec leurs besaces plus légères. Ce que voyant Alanic, il dit à sa mère « Je veux aller en France, mère, pour essayer de gagner ma vie et vous secourir à mon tour. » Godic éprouva du chagrin de la résolution de son fils, mais elle comprit pourtant qu'elle ne pouvait le retenir toujours et ne s'opposa pas à son départ. Alanic partit donc par un beau matin de printemps, en portant au bout d'un bâton un pain de seigle avec 6 crêpes et tout fier d'avoir dans sa poche 6 réaux, 1,50 franc, que lui avait donné sa mère. Il allait à l'aventure, à la grâce de Dieu. Vers midi, il remarqua sur le bord de la route qu'il suivait une fontaine à l'eau fraîche et limpide et ombragée par un bouquet d'arbres. Il s'y arrêta pour se reposer un peu, manger un morceau de pain avec une crêpe, puis poursuivre son chemin. Pendant qu'il était tout à son frugal repas, assis à l'ombre, un autre voyageur, qui ne paraissait guère plus riche que lui, s'approcha aussi de la fontaine pour se désaltérer. Alanic lui offrit une crêpe. Ils entrèrent en conversation et furent bien vite amis. « Où allez-vous ainsi, camarade ?» lui dit Alanic. « Ma foi, je vais devant moi et je n'en sais pas plus long. Et vous ? Moi, je vais en France pour chercher à gagner ma vie. Eh bien, voyageons de compagnie, si vous le voulez bien. Je ne demande pas mieux. Quel métier exercez-vous ? Moi, je suis danseur et mon nom est Fistilou. À merveille, car moi, je suis musicien et je me nomme Alanic. Mais de quel instrument jouez-vous donc ? Car je ne vous en vois aucun. Oh, mon instrument à moi ne coûte pas cher et j'en trouverai à discrétion. Tenez, voilà un champ qui en est tout plein, autant de paille, 2 ou 3 fois autant d'instruments. Comment cela, vous plaisantez sans doute ? Je ne plaisante pas et je vais vous le prouver à l'instant. Et sautant par-dessus la clôture dans un champ de seigle qui était tout auprès, Alanic y coupa avec son couteau une tige de seigle et en un instant il en eut fabriqué un chalumeau semblable à ceux qu'on voit au petit pâtre au printemps, et il se mit à en jouer avec une adresse et une dextérité peu communes. Fistilou, en l'entendant, se mit à danser, à gambader et à jeter son chapeau en l'air en criant « You, you, ou, ou !» comme les cornouaillais. Et les voilà les meilleurs amis du monde, et de poursuivre leur chemin en courant, en riant et rêvant d'abondantes recettes. Vers le soir, ils arrivèrent dans une ville dont je n'ai pas retenu le nom. Ils se trouvèrent bientôt sur une place, entourée de maisons de tous les côtés et où il y avait beaucoup de promeneurs. Alanic se mit à jouer de son chalumeau de paille, Fistilou à danser, à gambader et à jeter son chapeau en l'air en criant « You, you, ou, ou !» Et l'on accourait de tous côtés, l'on se foulait, l'on se pressait pour les voir. Jamais les habitants de cette ville n'avaient ouï pareille musique, ni vu semblable danse. Les pièces de 2 sols et même de 2 réaux pleuvaient autour d'eux, et ils firent une magnifique recette, 5 ou 6 écus au moins. Le lendemain, ils recommencèrent, et la recette fut encore excellente. Ils ne se possédaient pas de joie. Mais Fistilou eut alors une malheureuse idée. Il pensa que, puisqu'ils gagnaient tant d'argent avec un simple chalumeau de paille, s'ils avaient un violon, ils en gagneraient 10 fois plus. On acheta donc un violon, et Alanic se mit en raclée de manière à écorcher les oreilles les moins délicates. N'importe, il trouvait que c'était charmant, et il s'en promettait merveille. Ils allèrent alors dans une autre ville pour expérimenter leur nouvelle méthode. Dès en arrivant, ils se mirent à jouer et à danser sur une place publique, mais ils furent étonnés de voir que les habitants de cette ville, loin d'accourir à eux, fuyaient en courant et en se bouchant les oreilles. Et au lieu de pièces de 2 sols et de 2 réaux, ils ne reçurent cette fois que des injures et des pierres, si bien qu'il leur fallut quitter la ville au plus vite. Décidément, ces gens-là n'aiment pas la belle musique, se disaient-ils quand ils furent à l'abri des pierres. Il faudra revenir au chalumeau de paille. Alanic coupa un chalumeau dans le premier champ de seigle qu'ils rencontrèrent, et ils continuèrent leur chemin, mais moins joyeux que la veille, car déjà ils n'avaient plus le sou. Ils se trouvèrent bientôt devant un château ceint de hautes murailles. Il faut essayer encore ici l'effet de notre musique et de notre danse, se dirent-ils. Mais ils étaient bien embarrassés de savoir comment entrer. Ils voyaient bien une porte avec un marteau, mais ce marteau était si haut placé qu'il n'y pouvait atteindre. « Mets-toi contre la porte, » dit Fistilou à Alanic. « Je monterai sur tes épaules et de la sorte j'atteindrai le marteau. » Ils firent ainsi. La porte s'ouvrit aussitôt et ils entrèrent dans un jardin où ils virent 2 belles demoiselles qui se promenaient. C'étaient les filles du géant Goulafre qui demeuraient dans ce château. Alanic se mit à jouer de son chalumeau de paille, Fistilou à danser et à gambader, et les 2 demoiselles accoururent pour les regarder. Elles ne sortaient jamais de leur jardin, aussi n'avaient-elles jamais vu rien de semblable, et elles s'amusaient fort de la musique de l'un et des gambades et des cris de l'autre. Leur mère, une géante de 10 pieds de haut, arriva aussi. Et elles la prièrent instamment de garder ces 2 hommes dans le château pour les amuser, puisqu'elles ne sortaient jamais. « Mais votre père, mes enfants, vous n'y songez donc point. Ils sont si amusants et si gentils que notre père s'en amusera comme nous et les laissera vivre. Je n'en suis pas bien certaine, mais qu'ils restent quand même, puisqu'ils vous amusent. » Et voilà les 2 jeunes géantes bien heureuses. L'heure du souper venue, on sonna une cloche et le géant arriva. On avait caché nos 2 amis dans un grand bahut, mais le géant, en entrant dans la salle à manger, s'écria aussitôt « Je sens l'odeur de chrétien et je veux le manger. »« Je voudrais bien voir ça, par exemple, » répondit sa femme. « Mangez mes 2 neveux qui sont venus me voir, 2 garçons si charmants et qui amusent tant nos filles par leurs talents et qui vous amuseront vous-même. Faites venir vos neveux que je les voie, ma femme. » On fit sortir nos 2 compagnons du bahut, tremblants et mourants de frayeur. « Ils sont bien petits, vos neveux, ma femme. Et que savent-ils faire ?»« Danser et faire de la musique à ravir. » « C'est bien. » « Soupons d'abord, car j'ai grand faim, puis nous verrons. » Et ils se mirent à table. On servit d'abord de la soupe dans un tonneau défoncé, puis on apporta sur un plat un chrétien rôti. Le géant Goulafre le découpa, garda pour lui la plus grande part. Ensuite, la géante partagea ce qu'il en restait entre elle et ses 2 filles. Elle donna aussi un pied à chacun des 2 étrangers. Ceux-ci étaient tout tristes, se regardaient avec de grands yeux et ne mangeaient pas. « Eh bien, vous ne mangez donc pas, les petits ?» leur dit le géant. « Nous n'avons pas faim, seigneur. »« C'est cependant bien bon. » Et prenant les 2 pieds qu'ils avaient sur leur plat, il les avala en une bouchée. Quand le repas fut fini, « Voyons maintenant vos talents, mes enfants, et tâchez de me divertir un peu. » Et Alanic se mit à jouer de son chalumeau de paille et Fistilou a dansé, a gambadé et a jeté son chapeau en l'air en criant « You, you, ou, ou !» Le géant riait à gorge déployée et s'en amusait beaucoup, et sa femme et ses deux filles aussi. « Je suis content de vous !» leur dit Goulafre au bout d'une heure de cet exercice. « Allez dormir à présent avec mes filles, et demain je verrai ce que je ferai de vous. » La géante les conduisit alors à leur chambre, donna des bonnets rouges à Alanic et Fistilou pour mettre sur leur tête, des bonnets blancs à ses filles. Puis elle s'en alla. Les deux géantes ne tardèrent pas à s'endormir et à ronfler, à faire trembler les vitraux de la chambre dans leur châssis. Mais Alanic et Fistilou ne dormaient pas. Ils entendirent bientôt du bruit dans l'appartement en dessous d'eux. C'était le géant et sa femme qui se querellaient. Alanic sauta hors de son lit, colla son oreille contre le plancher, et voici ce qu'il entendit. « Je vous le dis, femme, je veux les manger demain matin à déjeuner. »« Attendez du moins quelques jours encore, ils vous amuseront avec leur musique et leur danse. Et nos filles, ces pauvres enfants qui n'ont aucune distraction, vous avez vu comme elles étaient contentes et heureuses. Épargnez-les pour elles. »« Il n'y a pas à dire, il faut que je les mange demain matin. Où est mon coutelas ?» Et un moment après, on entendit le pas du géant sur les marches de l'escalier. Alanic courut alors à son lit et changea son bonnet rouge contre le bonnet blanc de la jeune géante qui dormait toujours, dit à Fistilou d'en faire autant, puis ils tournèrent leur figure du côté du mur et feignirent de dormir profondément. Goulafre entra aussitôt dans la chambre, tenant d'une main une lanterne et de l'autre un grand coutelas. Il s'approcha du premier lit, trancha d'un seul coup la tête qui portait le bonnet rouge, courut au second lit et en fit autant. Puis, laissant les têtes rouler sur le plancher, il descendit, emportant les corps de ses deux filles sous son bras, et il les jeta sur la table de la cuisine sans les examiner. Quand il revint dans sa chambre à coucher, il dit à sa femme « C'est fait. Quel excellent déjeuner demain matin !»« Pourvu que vous ne vous soyez pas trompé dans votre précipitation !» lui dit la géante. « Comment voulez-vous que je me sois trompé ? Je sais bien distinguer un bonnet rouge d'un bonnet blanc, peut-être !» Puis ils s'endormirent tranquillement. Quant à Alanic et à Fistilou, aussitôt que le géant fut sorti de leur chambre, ils descendirent dans le jardin à l'aide de leurs draps de lit et se donnèrent de l'air. Le lendemain matin, Goulafre fit se lever sa femme de bonne heure pour lui préparer son déjeuner. Mais quand celle-ci arriva dans la cuisine et qu'elle reconnut ses filles, elle se mit à pousser des cris, à faire trembler le château. Goulafre accourut en l'entendant et joignit ses cris et ses beuglements à ceux de sa femme. Il courut à la chambre de ses filles, croyant y trouver encore ses deux hôtes. Mais il n'y trouva qu'un papier sur lequel il y avait écrit. Fistilou savait lire et écrire un peu. Fistilou et son ami Alanic remercient le géant Goulafre pour l'hospitalité qu'il leur a accordée et lui promettent de revenir le voir. Le géant, rugissant de colère, prit alors ses bottes de 7 lieues et se mit à la poursuite des fugitifs. Ceux-ci étaient déjà loin du château, mais Goulafre les eut bientôt atteints. Voyant passer par-dessus leur tête une grande jambe avec des bottes énormes, ils se dirent « Voici le géant !» et ils se cachèrent sous une grande pierre qui se trouvait près de là, et Goulafre passa sans les voir. Quand ils le crurent loin, ils sortirent de leur cachette et poursuivirent aussi leur route. Vers le coucher du soleil, ils arrivèrent sur une grande lande parsemée d'énormes blocs de granit, isolés ou entassés les uns sur les autres. Parmi ces derniers, ils virent 2 grandes bottes. Puis, plus loin au fond d'une grotte sombre, quelque chose de rouge et de brillant et qui ressemblait à ces anciens carreaux de fenêtres qu'on nommait œil de bœuf. Ils s'approchèrent sur la pointe des pieds et ils reconnurent que c'était Goulafre qui, fatigué de sa poursuite, s'était arrêté là pour se reposer un peu. L'objet rouge et brillant qu'ils apercevaient au fond de la grotte, c'était son œil unique. Il dormait profondément. Ils restèrent quelques minutes à le considérer. Puis Alanic dit « Si nous pouvions lui enlever ses bottes de 7 lieues, alors nous nous moquerions de lui. »« Oui, mais s'il se réveille, » répondit Fistilou. « Il dort trop bien pour cela. Écoute comme il ronfle. Essayons pour voir. » Ils lui enlevèrent une de ses bottes sans qu'il bougeât. Mais comme ils tiraient de toute leur force sur la seconde, le géant fit un mouvement et ils se crurent perdus. Heureusement qu'il ne se réveilla pas et ils purent la lui enlever aussi. Alanic mit alors les deux bottes et il se disposait à partir quand l'autre lui dit « Et moi, vas-tu me laisser ici à présent ?» « Monte sur mon dos, vite !» Et les voilà partis l'un portant l'autre. Quand Goulafre se réveilla et qu'il vit qu'il n'avait plus ses bottes, il poussa des hurlements à effrayer les animaux à 3 lieues à la ronde. Il lui fallut s'en retourner à son château sans bottes, et quand il y arriva, il avait les pieds tout en sang. Cependant, Alanic et Fistilou étaient arrivés à Paris. Ils allèrent frapper au palais du roi pour demander du travail, et ils furent pris comme garçons d'écurie. Le fils du roi aimait passionnément la chasse, mais il paraît que c'était chez lui passion assez malheureuse, et que sa carnassière était souvent vide au retour, si bien que Fistilou dit un jour devant ses camarades « Mon ami Alanic prendrait en un seul jour autant de gibier que le jeune prince dans toute une année. » Le propos fut rapporté au prince. Celui-ci fit appeler Alanic et l'emmena avec lui à la chasse dès le lendemain. Alanic n'oublia pas d'emporter ses bottes de 7 lieues dans sa carnassière, car, comme c'étaient des bottes fées, elles augmentaient ou diminuaient de volume à volonté. On lui donna un bon fusil, le premier qu'il eût jamais tenu entre ses mains, et le prince et lui se rendirent dans un grand bois où le gibier de toute nature abondait. Sous prétexte de faire les honneurs de la journée à son compagnon, Alanic le laissait tirer toutes les pièces, lièvres, chevreuils, renards, et comme il était d'une maladresse rare, il manquait tout. Vers midi, ils s'assirent sur la mousse au pied d'un chêne pour manger un morceau de pâté et boire un verre de vin. Alanic dit alors au prince « Reposez-vous un peu, mon prince, pendant que je vais pousser une petite pointe dans cette direction. Dans 1 heure au plus, je reviendrai vous rejoindre. »« Allez, » dit le prince, « et soyez plus heureux que moi. » À quelques pas de là, Alanic mit ses bottes de 7 lieues, et en moins 1 heure, il eut pris tant de gibier de toutes sortes qu'il lui fallait demander une charrette dans une ferme voisine pour les porter au palais. « Et comment avez-vous pu, en si peu de temps, faire un tel massacre ?» lui dit le prince en le voyant revenir avec sa charrette pleine. « C'est la chance, mon prince, et un peu d'adresse aussi. Mais vous le savez bien, il y a des jours où l'on se croirait vraiment ensorcelé tant on est malheureux, et vous êtes, paraît-il, dans un de ces jours-là. » Le prince parut se contenter de cette explication, et l'on rentra au palais où l'on fut bien étonné de voir arriver une telle quantité de gibier. À partir de ce jour, Alanic fut bienvenu du roi, et surtout du prince qui l'accompagnait presque tous les jours à la chasse. Fistilou, jaloux de cette faveur, entreprit de susciter de nouveaux embarras à son ancien ami. Il raconta aux valets d'écurie et autres leur visite au château du géant Goulafre et la manière dont ils étaient parvenus à en sortir sans mal. Il parla aussi des bottes de 7 lieues du géant avec lesquelles Alanic faisait des chasses si merveilleuses. Ces bruits arrivèrent vite aux oreilles du roi qui fit appeler Alanic et lui parla ainsi. « On dit que vous avez été au château du géant Goulafre et que vous en êtes revenu sans mal ?» « Rien n'est plus vrai, sire. »« Ah, quel brigand, quel monstre que ce Goulafre, et qu'il m'a fait de mal. Il m'a volé ma demi-lune, une merveille incomparable, et ma cage d'or qui faisait mon bonheur. Ah, si je pouvais me venger sur lui et recouvrer ma demi-lune et ma cage d'or. Mais puisque vous avez déjà été chez lui et que vous en êtes revenu sans mal, vous pourrez bien y retourner. Ah, sire, si vous saviez quel monstre terrible est ce géant, il me mangerait sûrement si je retournais chez lui. Vous y avez été déjà et vous avez rapporté ses bottes de 7 lieues. Il faut que vous y retourniez et que vous me rapportiez ma demi-lune ou vous serez brûlé vif. Être brûlé vif ici ou être mangé par Goulafre, il m'importe assez peu et puisqu'il en est ainsi, je tenterai l'aventure. Alanic partit donc et comme il connaissait le chemin et qu'il avait ses bottes de 7 lieues, il arriva facilement devant le château du géant. Des couvreurs réparaient les toits. Il se cacha dans le bois pour attendre la nuit. Vers 10 heures, comme il faisait bien sombre, la demi-lune fut arborée sur la plus haute tour et aussitôt tout s'éclaira à plusieurs lieues à la ronde. Les couvreurs, en se retirant le soir, avaient laissé leurs échelles contre les murs du château. Vers minuit, Alanic sortit du bois et, au moyen de ses échelles, il monta sur la plateforme de la tour, enleva la demi-lune, la mit dans un sac qu'il avait emporté et partit sans rester, comme on dit, à chercher 5 pieds au mouton. À l'obscurité qui se fit soudainement, le géant sortit pour en connaître la cause. Il vit Alanic qui partait, emportant sa demi-lune sur son dos. Il cria, il hurla comme une bête féroce. Il voulut poursuivre le voleur, mais hélas, il n'avait plus ses bottes de 7 lieues. Quand Alanic arriva à Paris avec sa demi-lune, il l'arbora aussitôt sur la plus haute tour du palais du roi, et la ville entière, tout à l'heure plongée dans l'obscurité, se trouva soudain éclairée comme en plein jour. Les habitants se levaient et accouraient vers le palais d'où venait la lumière, et voyant que leur roi avait retrouvé sa demi-lune, ils en étaient tout heureux. Le roi lui-même ne se tenait pas de joie. Il fit commander un grand festin auquel furent invités les princes, les princesses, les généraux, tous les grands du royaume, et il leur présenta Alanic comme le conquérant de la demi-lune, et leur ordonna de l'honorer et de le considérer comme son meilleur ami. Les fêtes et les réjouissances durèrent 15 jours entiers dans toute la ville. Quand il eut admiré sa demi-lune pendant 3 mois, le vieux roi se mit à regretter plus que jamais sa cage d'or, et chaque jour sa joie se dissipait, et il devenait de plus en plus triste. Alanic le remarqua comme tout le monde, et il se dit à part lui, « Cela va mal, le roi ne se consolera jamais de la perte de sa cage d'or, et un de ces jours, il m'ordonnera, je le crains bien, d'aller la lui chercher. » Et en effet, peu après, le roi l'appela dans sa chambre et lui dit « Alanic, vous voyez que je dépéris de tristesse et de chagrin. C'est la perte de ma cage d'or qui en est la cause, et si je ne la revois dans mon palais, j'en mourrai sans tarder. Vous avez enlevé ces bottes de 7 lieues à Goulafre. Vous m'avez également reconquis ma demi-lune. Il faut que vous me rapportiez maintenant ma cage d'or. » « Ah, sire, ce que vous demandez là, nul homme au monde ne pourrait le faire. Songez donc que cette cage est suspendue par 4 chaînes d'or au-dessus du lit du géant. Comment pénétrer dans sa chambre et couper les 4 chaînes d'or sans qu'il se réveille? C'est impossible. » « Vous m'avez bien rapporté ma demi-lune, il faut me rapporter également ma cage d'or, ou il n'y a que la mort pour vous. Vous voulez m'envoyer à une mort certaine, mais mourir ici ou mourir là-bas, peu m'importe après tout, et je préfère tenter encore l'aventure. Faites-moi fabriquer des ciseaux capables de couper des chaînes d'or comme des fils de lin ou de chanvre, et alors je partirai. » On trouva un artisan assez habile pour fabriquer les ciseaux nécessaires, et Alanic partit. Quand il arriva près du château, il vit avec plaisir que les couvreurs n'avaient pas terminé leur travail et que leurs échelles étaient encore appliquées contre les murs. Vers minuit, il pénétra dans la chambre de Goulafre en brisant une fenêtre. Le géant dormait si profondément qu'il n'entendit rien. La chambre était éclairée. Alanic vit la cage d'or au-dessus du front de Goulafre. Il posa un de ses pieds sur le rebord du lit, l'autre contre le mur, et d'un coup de ses ciseaux, il coupa une chaîne d'or. Ren ! Le géant ne bougea pas. Puis il coupa une seconde chaîne. Ren ! Le géant fit un mouvement. Puis une troisième. Ren ! Le géant se retourna dans son lit, mais ne se réveilla pas. Enfin, la quatrième chaîne fut coupée. Ren ! Mais hélas ! La cage tomba sur la figure de Goulafre et le réveilla. Il saisit Alanic par le milieu du corps, il le reconnut et s'écria. « Ah, c'est donc toi, petit monstre! Pour cette fois, tu ne m'échapperas pas et ton affaire est claire. Je te mangerai à mon déjeuner ce matin même. Hélas, je vois bien que je n'ai plus aucun espoir et que c'en est fait de moi. Je reconnais du reste que j'ai mérité mon sort pour tout le mal que je vous ai fait. Mais à quelle sauce comptez-vous me manger, je vous prie ? À la broche, et je te mettrai tout vivant au feu. Je vois bien que vous ne connaissez rien en fait de bonne cuisine. Faites comme je vais vous dire, et vous aurez le mets le plus délicieux dont vous ayez jamais mangé. Voyons cela, parle. Mettez-moi dans un sac. Puis allez au bois, déracinez un arbre de moyenne grandeur et venez me battre avec le tronc de cet arbre jusqu'à ce que je sois réduit en bouillie dans mon sac. Alors vous mettrez le tout avec un peu de beurre, de sel et de poivre dans votre grande marmite, puis vous ferez un bon feu dessous. Je vous le répète, vous aurez là un mets à vous en lécher les doigts pendant 24 heures. Tu as ma foi raison. « Cela doit être bien bon, et je suis résolu à faire comme tu dis. » Le géant mit donc Alanic dans un sac, puis il alla au bois déraciner un hêtre pour le battre. Dès qu'il fut sorti, Alanic se mit à crier de toutes ses forces pour appeler du secours. La femme du géant accourut. « Qui est là ? Qui crie de la sorte ? » demanda-t-elle. « Hélas, ma bonne dame, un pauvre homme qui n'a jamais fait de mal à personne !» Qui vous a mis dans ce sac ? C'est votre mari. Et pourquoi ? Pour quelques malheureux morceaux de bois sec pris dans la forêt. Pourquoi nous voler du bois aussi ? Pour cuire des pommes de terre pour le dîner de ma femme et de mes enfants. Je suis si pauvre et j'ai 6 enfants et rien que mon travail et la charité des bonnes âmes pour toutes ressources. Ayez pitié de moi et de ma pauvre femme et de mes pauvres enfants qui meurent de faim à la maison. « Aidez-moi à sortir d'ici, votre mari croira que je me serai évadée de moi-même. » La femme du géant se laissa toucher, et elle délia les cordons du sac. Alanic en sortit d'un bond, puis il l'y enferma à sa place. Alors il courut à la chambre du géant, enleva sa cage d'or et partit. Goulafre arriva aussitôt avec un arbre déraciné, et il se mit à battre le sac. « Arrête, malheureux, je suis ta femme !» criait la géante dans le sac. Mais Goulafre ne l'écoutait pas et il frappait comme un sourd. Au bout d'une demi-heure, quand il n'entendit plus crier, il ouvrit le sac. « Ma femme !» s'écria-t-il en reconnaissant ses vêtements. Et le voilà de s'arracher les cheveux et de hurler comme une bête sauvage. Cependant, Alanic était arrivé à Paris avec la cage d'or. Le vieux roi, qui était tout triste et sombre auparavant, redevint gai et joyeux en revoyant sa cage, et il passait des journées entières à contempler cette merveille. Mais au bout de quelques mois, sa gaieté s'évanouit encore peu à peu. « Que va-t-il me demander à présent ?» se disait Alanic inquiet. Enfin, le roi lui dit un jour, « Je ne vivrai heureux que lorsque vous m'aurez amené ici, dans mon palais, le géant Goulafre lui-même. »« Ah, sire, pouvez-vous exiger l'impossible, et après tout ce que j'ai fait pour vous, ne me laisserez-vous pas un moment de tranquillité ?»« Je vous le dis, il faut que vous m'ameniez le géant Goulafre, où il n'y a que la mort pour vous. »« Oui, je vois à présent que c'est bien ma mort que vous désirez, mais au moins me donnerez-vous tout ce que je vous demanderai ?» pour tenter cette épreuve impossible ? Demandez tout ce que vous voudrez, je ne vous refuserai rien. Eh bien, faites-moi construire un carrosse d'or massif. tout garni de pointes aiguës à l'intérieur et dont l'unique portière se fermera d'elle-même sur celui qui entrera dans le carrosse sans qu'il puisse l'ouvrir, quelle que soit sa force. Il me faudra de plus 24 chevaux vigoureux pour les y atteler. « Vous aurez tout cela, » répondit le roi. On trouva des forgerons et des ouvriers habiles, et en peu de temps, le carrosse fut construit dans les conditions voulues de solidité et de dimension. On y attela 24 chevaux magnifiques. Alanic monta sur le siège, habillé en cocher, et il partit. Quand il arriva dans le bois qui entourait le château, il vit le géant qui s'y promenait. Il pleurait et gémissait, et poussait parfois des cris sauvages. Alanic s'avança vers lui et lui demanda fort respectueusement « Quel est, seigneur, le sujet d'une douleur si grande ?»« Ah, je suis le plus malheureux des géants. Un avorton nommé Alanic m'a fait tuer mes deux filles et ma femme. Et de plus, il m'a volé mes bottes de 7 lieues, ma demi-lune et ma cage d'or. Oh, si je le tenais! Mais je ne sais où le trouver, ni quel pays il habite. Alanic? Mais je le connais très bien, et j'ai aussi à me plaindre de lui, et je serais bien aise de pouvoir me venger de tout le mal qu'il m'a fait. Entrez dans mon carrosse, seigneur, et je vous le ferai trouver sans tarder. » Goulafre, qui ne reconnaissait pas Alanic déguisé en cocher de grande maison, entra dans le carrosse sans hésiter, et aussitôt la portière se referma d'elle-même sur lui avec grand bruit, et le cocher fouetta ses chevaux qui partirent au grand galop. Le pauvre géant, cahoté dans sa prison, déchiré par les pointes qui lui entraient de tous côtés dans le corps, poussait des cris effrayants et faisait tous ses efforts pour ouvrir la portière et briser le carrosse. Mais c'était en vain. Il épouvantait tout sur son passage, hommes et bêtes, par ses cris de rage. On arriva à Paris, mais une fois le géant amené dans la cour du palais, on ne savait plus que faire de lui. Tout le monde tremblait en l'entendant hurler et rugir dans sa prison. On assembla le conseil pour délibérer sur ce qu'il fallait faire. Personne ne sut donner un avis raisonnable. La peur dominait tout. Alors Alanic dit « Je conduirai le carrosse au milieu d'une grande plaine. Faites transporter autour de lui 50 charretées de bois de chêne et autant de charretées de fagots. Ensuite, on y mettra le feu et Goulafre sera brûlé vif et réduit en cendres au milieu de ce feu d'enfer sans pouvoir faire de mal à personne. » On suivit ce conseil et on se délivra ainsi du terrible géant Goulafre. Alanic se maria alors à la fille du roi et, comme il avait bon cœur, il nomma Fistilou son premier général d'armée, bien qu'il eût essayé de lui faire beaucoup de mal. Il y eut pendant un mois entier des réjouissances publiques et des festins continuels. Moi, qui étais jeune alors, je fus prise à la cuisine du palais pour tourner la broche, et c'est ainsi que j'ai pu connaître l'histoire d'Alanic et du géant Goulafre et vous conter toutes choses comme elles se sont passées. Conté par Barbe Tassel de Ploiret en 1869.